chanson dans le cœur, une mélodie en accord majeur, un rythme qui sonne, des mots qui résonnent, un refrain que l'on fredonne. C'est la musique qui nous rassemble, qui nous fait chanter, danser ensemble. Un air de guitare, un piano dans un bar, un musicien qui joue dans le noir. Chantez pour tous ceux qui s'aiment, chantez pour les cœurs qui saignent, chantez les joies et les peines, chantez à en perdre haleine. Dansez avec ceux qu'on aime, dansez pour les soirs de fête, dansez à chaque seconde, dansez jusqu'au bout du monde. On a tous une chanson dans le cœur. Et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gemozo 107 FM. Merci d'être à l'écoute. Bienvenue à ceux qui nous suivent sur le web www.radiogemozo.eu. Merci à tous nos amis facebookiens. Je dirais, oh, ça fait littéraire ça. Donc voilà, bonjour le Québec, il est 10h, alors des bisous à ma petite équipe, des bisous aussi à Maddo, à Denis, et puis un petit coucou à Thierry Brenner, je pense qu'il doit être à l'écoute, parce que je pense qu'on va reparler un petit peu de lui dans cette émission. Voilà, vous êtes avec, bonjour Lia. Oh. Bonjour Gilou. Comment vas-tu Lia? Bah, ça va, et ça me fait plaisir de te retrouver. Mais moi aussi. Ça va l'appétit? Ça va très bien. Voilà, merci d'être là Lia. C'est moi. Alors vous êtes avec Gilou, comme chaque jeudi dans les années bonheur, je vous accompagne en musique jusqu'à 17h30. J'ai le plaisir de recevoir cette semaine un artiste, Michael Ferreira, qui va nous présenter son dernier album « Je vis un rêve ». Avant de rejoindre mon invité, n'hésitez pas à nous envoyer des messages Facebook sur nos pages respectives, donc Radio Gemozo et Gilles Mougel, officiel. Je transmettrai ces petits messages à notre invité que je retrouve maintenant. Bonjour Michael. Bonjour Gilles. Ça va? Ça va, comment vas-tu? Bien. C'est ce qu'il faut, hein, il faut. Voilà. Eh bien, bienvenue sur nos ondes. Hein. Merci à vous. De rien, donc nous sommes ensemble jusqu'à 17h30. Je suis accompagné donc de Lia. Bonjour, Michael. Ça me rappelle quelque chose, Livia. Ah oui. Oui, ça peut. Oui, je pense qu'on en discutera plus tard dans l'interview, mais je pense que ça me rappelle quelque chose. D'accord, ok. Alors, Michael, dis-nous de quelle région tu es? Alors, moi, je suis dans une région du nord de la France. Ah, tu es dans le nord de la France. Voilà, une petite ville près de Cambrai. D'accord. Voilà. Donc tu es un ch'ti, alors. Voilà, un ch'ti. Si on peut dire comme ça. C'est ça. Ouais, ok. Alors, Michael, tu es né à Boulogne-sur-Mer, hein, c'est ça, d'un papa portugais et d'une c'est maman originaire maman de Lille. Française. Donc voilà, on retrouve le nord, hein, avec Lille. Voilà, ouais. Voilà. Ouais. Et la chanson, ça te vient comment, Michael, la chanson, le début? Alors la chanson, ça a démarré, on va dire, tout petit, on va dire. Bien sûr, en écoutant de la musique, hein, comme tout le monde, je pense, dans la voiture, sous la douche, voilà, en chantant, voilà. Et donc ça a commencé avec, à l'âge de 8 ans, en fait, lorsque j'étais à une fête portugaise, que j'ai découvert un artiste portugais, je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle Tony Carreira. Ah oui, bien sûr, Tony Carreira, voilà. Ouais. Et donc, je l'ai découvert, cet artiste, à la fête de Pâques, fête portugaise à Pâques, ici à Cambrai. Ouais. Et c'est de là que l'envie de chanter pour la musique a commencé, en fait. Donc, j'écoutais toutes ces musiques, tout ça. Et, bien sûr. Ouais. Et donc, après, ben voilà, quoi. Donc, j'ai commencé ensuite à chanter avec mon ami Manuel Campos, autre artiste portugais. Oui. Il m'avait invité à faire un duo à une fête portugaise pas loin de chez moi, à Ramilly, en 2017. Et donc, comme on a vu que tout le public a adoré notre duo, donc on s'est dit pourquoi pas commencer avec un ou deux singles, et puis après pourquoi pas un album. Et bien c'est sûr. Ce qu'on est en train de faire. Ouais, voilà. D'accord. Et tes parents, le papa, la maman, étaient aussi dans la musique Non, pas du tout. Tous les deux, non? Complètement rien du tout. Non. Papa est maçon et la maman est femme de ménage, donc non. Ok. Ouais, ouais, non, mais ça n'aurait pas empêché de, je veux dire, après les, des fois les heures de travail, peut-être de jouer dans l'instrument, hein, tu sais, de, pour se faire plaisir, pourquoi pas. Hein. Oui, mais non. Non, pas du tout les parents qui étaient, dans, voilà. Donc tu n'as pas été bercé spécialement par les parents, donc, mais voilà, donc comme tu disais, par ta rencontre avec Tony Carrera. Oui. Donc Tony Carrera, on le connaît bien, puisqu'il est venu chanter, bon, ça remonte quand même il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. En 2017, je pense, à Remiremont. À Remiremont, ouais. Ouais. Oui, déjà, ça passe vite. Hein. Ça va très vite, ouais. Ça passe vite, oui, Tony Carrera. Puis il avait sorti 2 albums aussi, je crois. C'était ça, Mon Fado et le Cœur des Femmes. Voilà, tout à fait. Donc ça a pas mal marché, hein. Et... Ouais. Ouais, ouais. Et puis bon, bah, je pense qu'au Portugal, hein, c'est quelqu'un de très connu là-bas. Très connu, hein, oui, bien sûr. Je suis sûr que vous, 3-4 personnes, les 3-4 personnes le connaîtraient. Si vous dites son nom. Ah oui, bien sûr, ouais. Donc, tout début, alors à Cambrai, tu n'as pas fait de bêtises? Non, jamais. Non, excuse-moi, il fallait que je la fasse. Mais... Il fallait la faire, c'est normal. Puis j'essaye de toujours avoir un petit peu de bonne humeur et puis d'humour dans mes émissions. Voilà quoi. Donc, cet album, Michael, Je vis un rêve. Hein, oui. C'est le tout premier album, ça. C'est le tout premier album, voilà. Il y a déjà trois singles qui ont été extraits dedans. Oui, oui, oui. Mon premier, c'est Danser la vida, le deuxième, Danser dans ton soleil, et le dernier qui est sorti là, au mois de mai-juin, Livia. Livia, d'accord. Voilà. Mmh. Et donc, Danser dans ton soleil, ouais. Il y a un clip hein, qui a été fait, voilà, que tu as réalisé au Portugal, je crois, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Ça a été tourné l'année dernière, en 2018, décembre 2018, donc... Il est super beau, ici il pleuvait comme d'habitude, dans le nord il pleuvait. Oui. Et là-bas il faisait super beau, super chaud, et franchement c'est pour un mois de décembre, c'était bien. Mais c'était top. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Oui, je pensais que tu l'avais fait cette année, parce que tu étais reparti au Portugal, quelques temps un petit peu. Oui, j'étais reparti au Portugal ici au mois de septembre, mais oui. on devait faire un clip, mais avec mon équipe, on a discuté, et ça va se faire plus tard. D'accord, ok. Ouais. Voilà. Tu vois, j'ai des bonnes infos, hein. Oui, oui. Tu te doutes un petit peu. Je pense, avec mon ami auteur Thierry Brenner. Voilà, c'est ça. Voilà. Je lui fais un petit coucou s'il nous écoute. Je pense qu'il nous doit. Bien sûr, on va lui faire un petit coucou à Thierry, hein, puisqu'il était avec moi la semaine dernière aux mêmes heures. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'au début, je disais, on va sûrement reparler un petit peu de Thierry, hein, puisque voilà. Thierry donc, est l'auteur de toutes les chansons de ton album. C'est bien ça. Et puis donc. Manuel Campos, donc, qui est là pour la composition. La composition de la musique. Oui. De la musique, hein. Et toi, Michael, tu écris, tu composes, tu es juste interprète? Pour l'instant, je suis qu'interprète, mais oui. À mes temps perdus, j'essaie d'écrire 3 petites phrases par-ci par-là. Je commence seulement, en fait. Donc, d'accord. C'est un peu compliqué, mais je commence tout doucement, on va dire, à mes temps perdus. Ok, d'accord. Bah, écoute, on va se plonger tout de suite dans le bain. Oui. Hein, dans ton univers musical, Michael. Alors, si on va peut-être écouter, Danser dans ton soleil. Oui. Hein, dans un premier temps. On va ramener un peu de soleil. On va ramener un petit peu de soleil, voilà. On écoute et puis on en reparle après. Il n'y a pas de souci. Avec moi, je m'inventais des jours meilleurs. Et j'ai reconnu ta voix, même les battements de ton cœur. Tout a tourné dans ma tête, je n'ai plus pensé qu'à toi. À toi, tu m'attendais. Quando tu não estás, eu sinto-me sozinho. Quando tu não estás, eu quero te amar. Je veux encore. J'ai pris un aller-aller. l'hôtesse m'a pris pour un fou. Me laisser aller, aller vivre mon rêve jusqu'au bout. Tout a tourné dans ma tête et j'ai déposé mes ailes. Et toi, tu m'attendais. Quando tu não estás, eu sinto-me sozinho. Quando tu não estás, eu quero te amar. Laisser une trace que la mer n'atteint pas. Oh, laisser à vivre, sable, toi et moi. Laisser une trace qui jamais ne s'en va. Oh, eh, oh, danser, danser dans ton soleil. Oh, eh, oh, toucher ta peau, toucher ton corps. Oh, eh, oh, danser, danser dans ton soleil. Voilà, Michael, Danser dans ton soleil. Donc cette chanson a été donc clippée il n'y a pas longtemps. Hein, Elle a été tournée l'année dernière. Ah oui, l'année dernière, non, excuse-moi. Tournée l'année dernière, oui. D'accord. Au Portugal, à Porto. D'accord. Alors, oui, je voulais préciser aussi, donc, on en a parlé, donc, parole de Thierry Brenner, la direction artistique aussi de l'album. Oui. Hein, c'est ça, et puis donc ça. Manuel compose pour la musique. Voilà, alors j'ai un message pour toi. Oui. J'ai un message pour toi, Michael. Donc c'est un bonjour de Thierry qui merci. Nous écoute. Donc Thierry me met un bonjour à toute l'équipe de la radio du 88. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Et un salut à Michael, de la part d'un gars qui écrit des vers et des romans dans le Poitou. Ah, c'est gentil. Ah, c'est gentil. Alors voilà, donc merci Thierry, hein, voilà, un petit coucou. Voilà, un petit coucou. Voilà. Alors, quand tu as commencé à chanter, Michael, je veux dire, tes parents étaient... Comment je veux dire, il y a eu des études quand même, tout ça, les... Ah oui, concernant le chant, oui, j'ai fait un an de cours de code vocal. Ouais. De prof, ouais. Donc pendant un an, de 2016 à 2017, ouais. Ok. Non mais je disais aussi donc tes parents n'ont pas été contre à ce que tu ailles dans cet univers d'artiste. Ils m'ont laissé faire ce que j'aime, quoi. Donc non. D'accord, ouais, parce que ça arrive, hein, des fois les parents ne sont pas toujours d'accord, disent bon allez, tu fais tes études, tu trouves un métier, puis après tu. Voilà, mais tu. Bon. Mm-hmm. Non mais c'est bien. Voilà. C'est bien. Alors il y avait la première chanson que tu avais en single, c'était Livia, hein, je pense. La toute première, c'était Fais danser la vida. Ah, pardon. Bon, voilà. Livia, c'est la toute dernière. C'est la toute dernière, Livia. Voilà. Oui, c'est parce que je l'avais diffusé dans mon émission une fois. C'était, c'était Thierry qui. Alors, si on reste sur Livia, tu voulais nous dire quelque chose tout à l'heure par rapport à ça. Par rapport à Livia, ouais, c'était par rapport à votre présentatrice. Oui, Livia. Hein. Voilà, Livia. Donc, pour ça, j'ai dit que ça faisait un rapport avec la chanson et puis Livia. D'accord, voilà. Ouais. C'est les petites infos. D'accord, ok. Parce qu'il y a quelques temps, j'avais fait une émission sur les prénoms féminins, tu vois. Ah ouais. Hein, j'avais pris que des chansons avec des prénoms féminins, donc voilà, Livia aurait peut-être... Et Livia est tombée. Elle aurait peut-être pu, ça aurait peut-être pu le faire avec... hein, voilà. Ouais. Hein, c'est... Alors, ce premier album, Michael, je veux dire, comment sont venus les... Je veux dire, les... Vous avez travaillé bien sûr ensemble, hein, avec Thierry, avec Manuel, tout ça, voilà. Donc, mon ami Manuel Campos, il faisait la compo, oui. Thierry écrivait, et il me faisait, tous les deux, il me faisait une maquette, voilà. Et après, c'était à moi si j'aimais ou pas, voilà, pour si choisir pour l'album. Si donc, tu aimais ou pas, ou si tu avais des fois des petites choses à modifier voilà. C'est ça. Sur les textes, ou éventuellement sur la musique, hein, quoi. Ouais. Voilà. D'ailleurs, il y avait une musique que j'aimais bien, mais bon, elle a été, a été reprise plus vite que moi, on va dire. C'était, oui. La dernière musique de Christian de Lagrange. Ah. Répare-moi. Ah, d'accord. Ouais. Donc, j'ai voulu la prendre, mais elle a été déjà prise par lui. Donc, elle était déjà prise. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Mais il y a une chanson un petit peu, enfin, je dirais, je sais pas si un peu similaire à cette chanson-là, sur ton album, c'est le titre Tu me reconstruiras. Ah oui. Bon. Oui. Je sais pas, hein, je dis ça. Ben justement, c'est parce que Tu me reconstruiras, la chanson a été déjà prise par Christian Delagrange, du coup on a essayé de trouver une autre chanson à peu près du même style. D'accord. Tu me reconstruiras. Tu me reconstruiras. Ouais. Alors Thierry, il fait du bon travail. Hein. Ah ouais, Thierry, il a toujours le mot à tout. Là. Le mot à tout. Parce que il répare Christian Delagrange, il reconstruit Michael Ferreira. Il reconstruit Michael Ferreira. Tout en un. Je vais demander à Thierry s'il fait pas partie du BTP. En même temps que toutes ces activités nombreuses à Thierry. Non, mais c'est. Non, je plaisante, je me moque pas. C'est gentil, hein, c'est comme je dis toujours, c'est de l'humour. Il fait du bon boulot. Mais il fait du bon travail, Thierry, bien sûr. Bah oui. Alors, il y avait une grande chanteuse portugaise, Amália Rodrigues, c'est bien ça? C'est ça, oui. Hein, c'est notre reine. Bien sûr, ouais. Ah oui. Et donc il y a une belle chanson sur l'album. Oui, on a voulu rendre hommage avec Manuel et Thierry, on a voulu rendre hommage à cette bande portugaise, Fado, ouais. Avec ce titre Dans ta voix Amália. Dans ta voix Amália, c'est ça, ouais. On l'écoute? Eh ben allons-y. Petit enfant, la nuit, je t'écoutais chanter les sentiments de ta vie, la douleur du passé, de toi tout cet amour, tu sais, me reviendra toujours, bercé de ta musique et ta mélancolie. J'écoutais la guitare, accompagnais ton cri et parlais à nos âmes. Dans ta voix, Amália, la caresse du fado. Dans ta voix, Amália, la soldate sous les bras. Elle nous aide à survivre quand le temps semble long. De toi tout cet amour résistera toujours, bercé de ta musique et de ta nostalgie. Envie que nos guitares te ramène à la vie pour chanter à nos âmes. dans ta voix, Maria, la caresse du fado. Dans ta voix, Maria, la sonate sont les bravos. Portugal, ton cœur vit, comme elle t'a si bien chanté, là où c'est ta Dans ta voix, Amalia. Voilà, Mickaël. Tu as eu l'occasion de la voir, Amalia Rodriguez? Non. Non. Non, j'ai pas eu l'occasion de la voir. Je l'ai vue en vidéo, mais... Oui. Non, en vrai, non. En vrai, non, tu l'as pas vue, d'accord. Non. Mm-hmm. Mais c'est un bel hommage, là, sur cette chanson. Ouais. Là, c'est... Ouais. Ouais. Est-ce que tu as chanté, je veux dire, bon, avant de faire cet album-là, est-ce que tu as chanté d'autres choses, je dirais, sans enregistrer, ou est-ce que tu avais fait autre chose? Alors, j'avais fait des petites vidéos comme ça sur YouTube, j'avais posté des petites vidéos comme ça sur YouTube, en fait. Oui. Et bien avant, j'ai commencé à chanter, ça remonte à loin, c'était à la fête de la musique au collège. Donc... Ah ouais, d'accord. Voilà. Mmh. Voilà. Mais sinon, non, j'ai juste fait chanter à la fête de la musique et puis poster des vidéos sur YouTube avant ça, et tout. D'accord, c'est tout, ouais. Et tu me disais tout à l'heure donc, que tu avais pris quelques cours de chant, bien sûr. Voilà. Tu avais pris des une cours. Fois, une fois que j'avais fait le duo avec Manuel Campos, ben, j'ai préféré prendre quelques cours quand même avant d'enregistrer les singles et l'album, quoi. Oui, bien sûr, ouais. Parce que c'est vrai que quand on arrive comme ça dans le studio, qu'on connaît pas, enfin... Oui. C'est un peu compliqué. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pris pendant un an des cours avec une coach vocale. Coach vocale, ouais. Mmh. Voilà, pour être bien à l'aise au moment de l'enregistrement. Et d'ailleurs, ça s'est bien passé, quoi, l'enregistrement. Mmh, bien sûr. Le résultat est là. Mais c'est vrai qu'on aime bien quand même, quoi. Je veux dire, je dis ça parce que, bon, j'ai commis quatre petites chansons. Et puis, j'étais un peu comme toi avant d'aller au studio. Je me dis, avant d'enregistrer, je vais quand même... Parce que bon, c'est vrai, l'entourage, des fois, voilà. L'entourage te dit, ben oui, tu chantes bien, tu chantes juste, ben, bon, voilà. Et puis, ben, parfois, après, moi, je voulais avoir l'avis d'une pro, quoi, d'une coach, hein, pour... On se rend compte, quand même, qu'il y a des petits trucs, des petits détails qui font que... Oui, qu'on ne s'en apercevait pas et qu'il fallait rectifier ça avant l'enregistrement. Oui, voilà. Oui. Et puis même quand on arrive dans le studio avec, là, le micro face à soi, tout seul dans la cabine et... Oui. Oula, donc c'est pas pareil quand on est devant le public à chanter, et c'est vrai que là c'est tout autre chose, quoi. C'est tout autre chose, oui. Mais bon, ça fait du bien de prendre quand même des cours, deux, trois cours avant l'enregistrement, quoi. Ah oui, puis après, dès l'instant qu'on chante, enfin je veux dire, voilà, après qu'on fait, il faut chanter tout le temps, il faut travailler tout le temps sa voix. Voilà, c'est ça. Hein, c'est bien ça, hein, il faut tout le temps travailler sa voix. La tonalité, tout ça. C'est vrai que ça demande du... On ne croirait pas, mais ça demande beaucoup de travail quand même. Ah oui, bien sûr, oui, oui. Oui. Et puis bon, bah, c'est vrai que d'être dans un studio, travailler dans un studio, c'est bien. C'est bien. Et après, je pense que ce qui est très bien aussi, c'est après avec le public, c'est après faire découvrir les chansons au public. Chansons, ouais. C'était tellement émotionnel quand on le dernier jour qu'on avait enregistré l'album, on a écouté toutes les pistes audio... Et qu'on a trouvé ça, c'était tellement émotionnel, qu'on a trouvé ça tellement bien qu'on s'est dit, mon Dieu, ça fait déjà quelque chose. Bien et sûr. Après, quand là, les gens, le public écoute et nous disent, on adore, c'est vrai que ça fait chaud au cœur, quoi. Ça, ah ben, bien sûr. Ça nous pousse encore à continuer à faire ce qu'on aime, quoi. Bien sûr, ouais. Et tu, enfin, je dis, tu as eu l'occasion déjà de faire quelques. Alors, pour le, l'année dernière, j'ai chanté un petit peu partout. J'ai chanté au Portugal, à Porto. Ouais. Mmh. Alors, par chez moi, j'ai chanté à Cambrai. Et après, Orléans. Voilà. D'accord. Orléans. Mmh, mmh. Et là, ici, un concert de programmé là, pour le 7 décembre. Une ville à côté de Lille, à Roubaix. Oui. Et après, ça sera pour l'année prochaine. D'accord. Pour l'année prochaine. Donc, en janvier, il y a quelque chose de prévu aussi avec la ville de Cambrai. Oui. Et après, ça sera au mois de mars, en région parisienne. Normalement, on est en train de discuter avec Thierry Emmanuel Campos. Oui. Ce serait pour la première partie d'un artiste portugais, mais bon, je peux rien dire. D'accord, d'accord. Non, mais faut pas tout dévoiler. Hein. Voilà, encore quelques petits secrets. Il faut y aller les petits secrets, c'est normal. c'est normal. Voilà. Donc pour un premier album, c'est beau. J'aime bien les chansons parce que il y a des rythmes, je trouve des rythmes modernes. Oui. Ah, dans la composition, enfin musicale, il y a des rythmes modernes. Voilà. C'est des belles chansons, je dirais des belles chansons d'amour. C'est des belles balades. Avec un son peut-être un peu plus nouveau, voilà. Un son plus jeune. Plus jeune, ouais. Mais tout le monde adore. Hier encore, j'ai une personne, une dame âgée, qui m'a dit elles sont belles vos chansons, j'adore vos chansons. Alors que pourtant, c'est dans l'album, Livia, c'est un petit peu plus pour les jeunes, c'est un petit peu plus moderne. Oui, c'est plus rythmé, tout ça, ouais. Et non, la dame de 80 ans, au contraire, elle a dit que c'était vachement bien, qu'elle a aimé, quoi. Mmh, bah, c'est bien. Comme quoi. Bah oui. Non, mais comme je le dis souvent, hein, on n'entend plus de chansons comme ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Justement, c'est ce qu'elle me disait. Elle dit dans la radio, dans les autres radios, on entend souvent toujours les mêmes chansons. Et bien sûr. Il y a des chansons qui veulent rien dire, qui veulent rien expliquer. Et vous, vos chansons, c'est comme ça. C'est le monde de la musique. Oui, c'est vrai. C'est des beaux textes et tout. Et c'est vrai qu'on a. On n'entend plus de belles chansons. Moi, je dirais romantiques parce que voilà, je suis. J'aime bien les chansons romantiques. Bon, après, j'aime bien un petit peu tout aussi. Hein. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'entend plus. Bon, après, si on parle. Il n'y a plus des belles chansons avec des beaux textes. Il y en a de moins en moins. C'est vrai que oui. Ça se perd. Oui, et puis bon, sur les radios nationales, bon, c'est toujours pareil. Hein. On entend 5-6 fois la même chanson dans la journée. Voilà, c'est ça. C'est... Et puis il y a des fois, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Je ne sais plus ce que j'ai entendu l'autre fois. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'était une nana qui chantait. Je me dis, mais je ne comprenais pas du qu'est-ce tout. Raconte, on ne comprend rien. Voilà. Ah, c'est vrai, quoi. Mais... Comme quoi. Ben oui, c'est pas facile, hein, le monde de la chanson, le monde artistique, c'est pas facile. Hein. C'est vrai. C'est que, très compliqué. C'est compliqué, comme tu dis, Michael, c'est vrai que... Alors, on va peut-être écouter, parce qu'on ne l'a pas écouté. Oui. Et je parlais tout à l'heure Tu me reconstruiras. Oui. Bon, je vais en dire ici. Donc, alors, pour la série qui est bricoleur, ça va. Oui. Alors, je vais livrer comme ça une petite anecdote. Je pense que Thierry va sourire aussi, mais j'avais reçu Christian Delagrange, hein, par téléphone aussi. Ouais. Et bien sûr, on a écouté la chanson « Tu me répareras », je vais y arriver. Ouais. Et j'avais Christian sur son portable. Hein. Ouais. Et puis, on l'a perdu un instant, quoi. On l'a perdu un petit instant, puis... Après, quand il est revenu, bon, il a fallu aussi que je fasse la petite blague là. Je lui dis, bon, bah, t'es allé chercher tes pièces chez Castorama pour réparer. Voilà. Là, c'est pareil, pour me reconstruire. Voilà. Ouais. Non, mais donc, on va écouter, donc, Tu me reconstruiras. Voilà, ça va. Déjà, oui, c'est comme ça, c'est mon karma. La vie t'oublie, joue avec moi, fais changer ça, fais ça pour. Voilà, Michael Ferrara sur les ondes de Radio Gemozo cet après-midi dans les années bonheur que je retrouve. Voilà, Michael, on a entendu cette chanson, Tu me reconstruiras. Oui. Une belle chanson encore là, hein. Ouais. Alors, il y a des chansons assez... je dirais, est-ce qu'il y a des chansons autobiographiques dans cet album-là? Oui. Il y en a une qui n'est pas pour moi, mais qu'on a voulu, enfin que j'ai voulu faire en fait, c'est une chanson dédiée pour ma grand-mère. Diamantina. Voilà, c'est ça, qui a fui le Portugal et pour venir ici rejoindre mon grand-père en France. D'accord, voilà. Ok. Donc celle-ci, elle te touche plus, bien sûr. Ouais. Et puis mais bien sûr avec dans ta voix Amélia aussi, hein, bien sûr, qui est très forte aussi, hein. Voilà. Mais autrement, les autres chansons, c'est pas spécialement autobiographique. Non. Pour moi, par rapport à moi, non. Peut-être une, je viens à rêve. Oui. Parce que, bah, on va dire, voilà, c'est l'histoire du rêve qui commence. Ah oui, c'est l'histoire, de ton album. Je viens à rêve. Hein, c'est le, voilà. On pourrait dire que c'est le titre éponyme de l'album et de ton rêve, donc d'avoir... d'avoir fait ton premier album. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. On espère que ça va continuer, qu'il y en aura peut-être des autres singles, des autres albums par la suite. Voilà. Bien sûr. Le commencement du début, on va dire. Bien sûr. Et puis, donc, on est là aussi pour la promo. Michael, on se procure comment ton album? Alors, soit sur Facebook. Ouais. On va envoyer un petit message sur ma page Facebook. Ou alors, donc il est disponible sur le Leclerc à Annette. Alors le département, c'est du côté d'une petite région du côté de Versailles, à Annette. Oui. Voilà. Ou alors après, il est disponible sur toutes les plateformes digitales. Oui, ou sur les plateformes digitales, d'accord. Voilà. Mmh. Je te remercie, moi, de nous avoir envoyé... l'album, hein. De rien. C'est sûr. Merci à vous et puis à Aline aussi. Oui, oui, bien sûr. Ouais, elle nous écoute, hein, là. Donc, si tu veux transmettre un petit message, il n'y a pas de souci. Un petit coucou à Aline, alors. Voilà. Un petit coucou de France. Voilà, elle nous écoute depuis sa belle province, le Québec. Voilà. Alors, on parlait de Livia Livia tout à l'heure. Oui. Mais on ne l'a pas encore écouté. Donc, ben, on va l'écouter. Ça marche. D'accord. Il n'y a pas de souci. Livia Livia. Sur ce rocher chocolat, tu laisses fondre et après tu te lèches les doigts. Toi et moi, c'est ganache et biscuits mélangés. Toi et moi, c'est que du bonheur à pâtisser. Livia, Livia, Livia, Livia, tu n'as qu'un mot à dire. Comment à dire et je fondrai comme ça. Tu joues ta diva sur le toit de l'opéra. Cacao et café, tu n'y résistes pas. Toi et moi, c'est ganache et biscuits mélangés. Toi et moi, c'est que du bonheur à pâtisser. On va t'amuser, Livia, toi et moi ensemble, on va s'amuser. Livia, qu'est-ce que tu attends pour m'aromatiser? Livia, toi et moi ensemble, caraméliser. Livia, Livia, tu n'as qu'un mot à dire, c'est du tout cuit pour toi. Livia, Livia, tu n'as qu'un mot à dire et je fondrai comme ça. Livia, Livia, tu n'as qu'un mot à dire, c'est du tout cuit pour toi. Tu n'as qu'un mot à dire et je fondrai comme ça. Livia, Livia, Livia, Livia, Livia, Livia, Livia, Livia, Livia, Livia. Voilà, Livia, Livia. Michael, est-ce que tu pourrais faire une autre version? Et puis changer, tu mets l'IA, l'IA à la place. Ça marche, pourquoi pas. Ça marche. Il n'y a pas de souci. Elle a un grand sourire, hein, tu sais, derrière la technique. Là. Sans doute. Donc, un premier extrait, hein, c'était un premier extrait. Alors, je lis sur ce que tu m'avais envoyé avec le CD. Hein, oui. Premier extrait était un concentré de reggaeton. Reggaeton, excuse-moi, oui, je prononce mal là, et deux mots fondus dans du chocolat. Une recette pour faire la fête à tout moment. Voilà. C'est vrai, non, c'est bien, c'est rythmé. C'est rythmé, oui. C'est rythmé, c'est vrai. T'aimes bien le chocolat, Lia? Écoute, ça va. Ça va. Bientôt les fêtes, hein, donc il va y avoir des chocolats bientôt. Voilà. Oui, c'est vrai. On approche, hein, on approche. Ça passe vite, hein, on approche tout doucement, oui. Donc, un premier album. Est-ce que tu as déjà une petite idée sur... bon, c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler, je ne sais pas, c'est encore tout frais. Ton album était sorti, rappelle-nous, début septembre. 30, non. 30 août, oui. Ah oui, 30 août, oui. Oui, ouais. Oui, d'accord, oui, je me souviens. Ok, donc c'est encore un peu tout frais, mais est-ce que tu as déjà une petite idée sur des prochaines... sur ce que tu aimerais faire sur un prochain album, sur des prochaines chansons Alors, la prochaine chanson, bah, je voudrais le style un petit peu déjà en portugais. Oui. On touche un petit peu le public là-bas au Portugal. Et un petit peu, on va dire un petit peu rythmé aussi, toujours rythmé dans le style Enrique Iglesias ou Ricky Martin. Ah oui, d'accord, ouais. Voilà. Et ensuite aussi, pourquoi pas, des petites balades, toujours continuer des petites balades romantiques comme ça, mais un petit peu plus douces, on va dire, comme du style comme Diamantina ou Dans ta voix, Madia. D'accord, d'accord. Ouais. Toujours en conservant moitié français, moitié portugais, ouais, pourquoi pas. D'accord. Mais bon, ça, je vais, faut que j'en reparle avec mon équipe, mon trio de choc. Bien sûr, avec ton trio de choc. Voilà, avec monsieur Bricolage, monsieur Thierry, et tu veux bien comprendre. D'accord. C'est ce que je dis aussi, moi, avec ma petite équipe de choc, des fois. Voilà. Ouais, ouais, c'est bien. Je voulais dire quelque chose, ça m'a échappé. Je ne sais plus. Oui, donc, c'est pas grave, ça me reviendra après. Donc, on pourrait peut-être écouter la belle chanson pour ta grand-mère, hein. Oui. Alors, c'est ta grand-mère, rappelle-nous voir, donc, elle était... Qui a fui le Portugal, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc elle a fui. Mon grand-père étant avec la dictature, était déjà arrivé en France. Il a commencé à travailler en France. Ouais. Mmh. Et donc ma grand-mère a voulu le rejoindre. Donc mon grand-père l'a demandé ici en France. Elle l'a rejoint donc toute seule avec il était à 4 ou 5 de ses enfants. Donc mes oncles et mes tantes, dont mon père qui était bébé. Oui. Et donc j'ai voulu rendre hommage à cette dame-là qui a voulu fuir le Portugal pour rejoindre mon grand-père ici en France, qui l'attendait à Paris, quoi. D'accord. La gare d'Austerlitz, voilà. D'accord. Donc c'est vrai que toute seule, maman toute seule avec ses 4-5 enfants, en évitant de se faire attraper par les, on va dire, par les passants, par la police, quoi. Oui, oui, bien sûr, ouais. Hein. Toute seule à traverser à pied dans la montagne, tout ça, de nuit, justement, pour pas se faire attraper. En essayant avec un petit bébé, donc à bras, enfin, c'est vrai que c'est pas évident tout ça. Donc, bien sûr, ouais. Donc voilà, j'ai voulu rendre hommage à ma grand-mère et puis aussi à tous les Portugais qui ont fui le Portugal. Oui, bien sûr, à tout le temps de la dictature. Ouais. Donc, ouais. J'ai voulu leur rendre un petit hommage, quoi, voilà. D'accord, mais c'est un bel hommage. Mmh. C'est un bel hommage. Alors, on va écouter cette chanson. Ouais. Hein, Diamantina. Allons-y. Voilà, on écoute. Tout ce chemin qu'il reste à faire, quitter ce pays que tu aimais, dire adieu au village, à la terre et à la maison qui t'a vu naître, et cette route que tu ne connais pas. La peur de faire des mauvaises rencontres. Ils ne sont pas si loin les soldats, la menace et les fusils au pied grande, mais l'amour au bout est le plus fort. Diamantina, il t'appelle. Diamantina, il, tu l'aimes, c'est en savoir. Tu entends Diamantina, il t'appelle. Diamantina, t'es en s'arrête dans ton son souffle, là dans le vent. Garde courage. Qui sait si sur les routes campagnes te sauver dans la montagne, s'enfuir du refuge par la fenêtre, mais l'amour au bout est le plus fort. Diamantina, il t'appelle. Diamantina, il, tu l'aimes, c'est en savoir que tu entends. Parcours tous ces vents. mentira, il t'appelle. Ta mentira, il tu l'aimes sans savoir que tu l'entends. Voilà, Diamantina, une belle chanson, Michael, là, c'est un beau texte, hein, de... Un beau texte de Thierry, oui. Ouais, beau texte de Thierry. Alors, j'ai un petit message à te passer, c'est, donc, ça vient de Lynn. Oui. Donc, elle met un petit coucou à Michael de ma part et un grand merci pour son album. C'est gentil, merci. Ses chansons vont voyager dans mon beau pays. J'espère. Voilà. J'espère. Parce que là, l'album est parti loin. Hein. Oui, c'est parti au Québec, oui. Voilà, au Québec. Peut-être qu'un jour, ce sera moi qui ira là-bas au Québec, peut-être. Ah ben écoute, je te le souhaite, hein, je te le souhaite. Hein. Ouais. Voilà. Bien, on le dira. Oui, ben écoute, on ira tous les deux, si tu veux. Donc, je voulais te demander, Michael, oui, est-ce que tu as fait d'autres médias, d'autres radios Alors, j'ai fait d'autres radios, oui. J'ai fait une radio du côté de Lyon. Ouais. Radio aussi au Portugal. Ouais. Après à Limoges aussi. Ouais. Après, à côté de chez moi, Caudry, Radio BLC. Ah, ben voilà, j'allais t'en parler. Voilà. C'est bien, oui, Caudry, Radio BLC. C'était avec Roselyne ou Nicolas ou... Les deux. Les deux. Donc, d'accord. Avec Nicolas pour mon premier single, c'est Danser la Vida. Et ouais. Après, avec Roselyne. Pour mon deuxième single, Danser dans ton soleil. Voilà. D'accord, bon, moi je leur fais des bisous, je ne sais pas s'ils sont à l'écoute, je ne sais pas, mais bon, je leur fais l'écoute. Parce que, un petit coucou à eux. Un petit coucou à eux aussi, parce que bon, bah, j'avais eu l'occasion de... Bah, tu sais, entre animateurs, on a quelques-uns, on se connaît, et puis on se dit, tiens, j'ai eu tel artiste, tu vois, des fois avec Roselyne comme ça, puis même d'autres animateurs, animatrices. On se dit tiens j'ai eu tel artiste et puis ça permet de tu vois de se faire connaître et puis c'est une belle petite famille aussi je dirais hein. Je sais pas si tu connais alors j'ai une autre amie qui s'appelle Mado animatrice elle est sur radio entendu parler mais je ne connais pas encore sur radio de faire sa connaissance ben bien sûr elle anime des émissions sur Radio Puis Haleine alors Radio Puis Haleine c'est dans l'Oise. Ah, c'est pas là chez moi. C'est pas trop loin de chez toi. C'est pas trop là chez moi, non, ça va. Ah ouais, donc je pourrais te mettre en contact avec Mado. Voilà, ça fera avec plaisir, y a pas de souci, c'est gentil. Elle est très très très sympa, Mado, très gentille aussi. D'ailleurs, oui, c'est ce qu'il m'a dit aussi Thierry, ouais. Ouais. Thierry la connaît aussi. Oui, bien sûr, oui. Donc je lui fais un petit bisou aussi, je lui avais fait en intro aussi tout à l'heure. Si toutefois elle nous écoute, Mado. Voilà, coucou Mado. On a eu l'occasion de faire une émission tous les deux, tu vois. Elle était venue en vacances dans les Vosges. On est dans les Vosges. Ouais. Hein. Et puis, je dis à Mado, tu repartiras pas chez toi tant que tu n'auras pas fait l'émission avec moi. Donc, il y avait deux animateurs qui ont fait l'émission. C'était sympa. Ouais. Voilà, puis... Alors, oui, je disais, donc on en a parlé, Michael, donc voilà, bon, comme je disais tout à l'heure, c'est tout frais, hein, bon, bah, tu réfléchis déjà à quelques à ce que tu voudrais faire un tout petit peu après ça, hein, tu parlais donc du style un petit peu d'Enrique Iglesias, hein, voilà, toujours dans le même rythme latino, ouais, ça c'est... En faisant un petit peu plus portugais, on va dire. Ouais. Et pourquoi pas quelques petites balades, toujours dans le même style, mais de Diamantine, c'était un peu plus romantique, quoi, en moitié français, portugais. Bien sûr, ouais. Tu pourrais peut-être faire aussi dans le style du père, Julio Iglesias. Ah, peut-être. Tu sais, il n'est pas changé. Déjà pour l'hiver, il y avait une fille qui se battait pour moi. Bah alors là, si je fais Julio, ça va être les femmes qui vont se battre pour moi. Ah bah oui. Là, c'est le chanteur de, enfin comment je veux dire, de ces dames, Julio Iglesias. Ouais. Ouais. Je sais pas si Lia le connaît, mais je pense oui. Hein, oui. Bah oui, quand même. Ah, quand même, Lia. Hein, tu connais Julio Iglesias. Hein. Je connais pas Julio Iglesias. Bah, bien sûr. Voilà. Hein. Non, mais c'est un grand artiste quand même. Hein. Ouais, hein, tout dans la une belle voix. Puis aussi la classe. La classe, hein. La classe. Voilà. Puis un petit peu dans la gestuelle aussi. Voilà, avec ses mains, voilà. Ouais, ouais, donc, puis, voilà, c'est vrai, c'est le lover de ces dames, c'est vrai que c'est... Donc, puis, ouais. une grande carrière. Hein. Oh, oui, très très grande carrière. Que je te souhaiterais, bien sûr. J'espère aussi. J'espère continuer encore longtemps, tu verras bien. Voilà, voilà. Mais je pense que tu dois avoir quand même, déjà quand même quelques fans. J'ai bien précisé quelques fans. Hein. Oui, j'en ai quelques-unes, oui. J'en ai déjà quelques-uns, quelques-unes aussi, oui. Ah oui, oui, bien sûr. Dans les garçons que dans les filles, oui. Autrement, comment je dirais, Michael, autrement, donc, t'es complètement dans la musique, enfin, je veux dire, à part la musique, est-ce que tu... Si je fais autre chose. Oui, est-ce que tu fais autre chose sans être, oui. Sans être indiscret. Forcément, avant de chanter, j'ai oui. Dit, je faisais autre chose, ça c'est sûr. Mm-hmm. Je fais toujours, il y a aussi quoi faire. Donc, ouais. Ah d'accord, ok. Mm-hmm. Voilà. Bon, écoute, je viendrai me faire coiffer chez toi. Il n'y a pas de souci. Tu verras, il n'y a pas beaucoup de boulot. Non, parce que j'ai plus grand chose, tu vois. Ah ouais, donc là, il n'y a qu'une solution, c'est la tondeuse. Ah bah c'est la tondeuse, ouais. Non mais si, voilà. Un petit peu, mais sur le dessus, c'est pas mal déplumé quand même. C'est le remède, c'est ça. Ouais, c'est comme ça, quoi. Alors, cet album avec ce titre, « Je vis un rêve ». Ouais, c'est donc, ça. On pourrait, comme je disais tout à l'heure, on peut dire que c'est le titre... C'est le titre éponyme de l'album. Eh ben, sur ce titre-là, il y a une petite anecdote, parce qu'en fait, quand on a été, justement, j'étais avec mon ami Manuel Campos et puis avec Thierry, ouais. On était en train de finaliser la pochette de l'album, le graphisme, tout ça, avec la couverture de l'album, tout ça. Oui. Mais on ne trouvait pas le titre de l'album. D'accord. Et donc, ils n'avaient pas pensé au titre de l'album. On dit, mince, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme titre de l'album? Et ça m'a fait tilt tout de suite. Je lui ai dit, bah écoute, pourquoi pas Je viens rêve, vu qu'il y a une chanson qui s'appelle dedans, Je viens. Et donc, tout de suite, on a appelé tout de suite le chef d'équipe, on va dire, des travaux, Thierry, qui a dit, oui, pourquoi pas, ça serait pas mal. Et du coup, bah, on est parti sur ça, quoi. Et c'est parti le texte, le titre de l'album, Je viens rêve. Oui, voilà. Mais je trouve que c'est très beau, moi. On était là avec les photos, avec le titre, le titre Michael Ferrand. On n'avait pas de titre de chanson et je me suis dit, bah, pourquoi pas, je viens rêve. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je suis en train de vivre. Oui, voilà. C'est ce que tu es en train de vivre, c'est ce que j'allais dire. Hein, tout à fait. Ouais. Voilà. Alors, écoute, on va écouter cette chanson. Hein. Ok. Je vis un rêve. Allons vite. Je te vois partout, je n'ai pas peur, je suis heureux. Je te vois partout, je n'ai plus qu'à fermer les yeux, même sans rendez-vous. On se retrouve là, amoureux. Je te vois partout, oh. Ça doit rester secret entre nous, ou les autres me prendraient pour un fou. Je vis un rêve pour toi, mon ange. Je vis un rêve étrange et je t'invente un paradis fait pour nous deux. Je vis un rêve pour toi, mon ange, assis sur la branche et je t'invente un ciel appelé à rester bleu. Je te vois partout, c'est encore bien plus beau qu'avant. Je te vois partout, y'a plus de chambre et de lit blanc, ça dépasse tout ce qu'on croyait étant enfant. Je te vois partout, oh, ça doit rester secret entre nous, ou les autres me prendraient pour un fou. Je vis un rêve pour toi, mon ange. Je vis un rêve étrange et je t'invente un paradis fait pour nous deux. Je vis un rêve pour toi, mon ange, assis sur la branche et je t'invente un ciel appelé à rester bleu. un paradis fait pour nous deux. Je n'ai un rêve pour toi, mon ange, assis sur la branche, et je t'invente un ciel appelé à rester bleu. Voilà, Mickaël. C'est parti. C'est parti, voilà. Alors, Mickaël, il s'est passé combien de temps, je veux dire, depuis le au début de ton album, enfin, depuis la, le choix des chansons jusqu'au final, quoi. Il s'est passé combien de temps pour cet album? Alors, ça a été très, très, très vite. Ouais. On a fait ça sur une lancée plus vite que la 4G, on va dire. Ah ouais, d'accord. On a commencé par le premier single, les deux singles, donc Fais danser la vida et Danser dans ton soleil. Et tout de suite, au moment qu'on a tourné le clip Danser dans ton soleil en décembre 2018, tout de suite on a commencé à travailler pour l'album. Donc oui. De décembre 2000, on va laisser passer les fêtes, on va dire début janvier 2019 jusqu'à mars-avril 2019 qu'on a enregistré. Et après, ben, ça s'est fait, on a sorti l'album en août 2019, donc ça a été très très vite. On a à peine fini les singles qu'on a déjà travaillé déjà sur l'album. D'accord. Et tu as enregistré dans quel studio tu es? Alors, on a enregistré donc dans un studio en parisienne. Attends, pardon, excuse-moi, j'ai pas compris. On a enregistré dans un studio en région parisienne. Ah, en région parisienne. Oui. D'accord. C'est un choix de Manuel ou c'est un choix, c'est qui a décidé d'aller enregistrer là-bas, parce que du côté de chez toi il y a sûrement aussi des studios, enfin Ah, par chez moi il y a des studios, mais bon ouais. Comme mon ami Manuel était là-bas par là en région parisienne. Ah oui, là-bas enregistré, comme ça il était sur place. Il était sur place, ah bah bien sûr. Donc on a fait tout ça là-bas, quoi. Et en même temps, on a, entre deux, trois petites pauses, on a contacté Thierry pour qu'il nous donne ses conseils. Donc oui. Non, ça s'est bien passé. D'accord, on a enregistré là-bas. Ouais, parce que je voulais te demander, est-ce que tu connais le studio DVM Productions en Belgique? Alors c'est en Belgique, hein, ça. Ah non, pas du non, tout. Non, ça te dit rien. Bon, non, mais c'est pas grave, c'était une petite question, parce que bon, comme t'es dans le nord, t'es pas trop loin de la Belgique. Ouais. Hein, alors donc, il se pouvait que tu connaisses ce studio. Oui, non. Ah non, d'accord. Ok. Dans ton album, ouais. Quelle est la chanson que tu préfères, toi? Bonne question. Bonne question. Ben, je préfère toutes parce que c'est moi qui les a choisies. Enfin, Oui, c'est sûr. Oui, bien sûr. Thierry Toussaint les avait fait écouter avant. Mais je dirais, bon, celle que je préfère, c'est plus Diamantina pour ma grand-mère. D'accord, ouais. Voilà. Ok, oui, c'est ce que je pensais un peu aussi. Hein, c'est vrai que ça touche. Hein, et puis, les grands-parents, c'est vrai que c'est toujours. Oui, voilà. Hein, bon, c'est... Puis, je pense que, bon, malheureusement, elle n'est plus de ce monde, mais je pense qu'elle aurait été fière d'avoir un petit fils chanteur, donc, surtout avec une chanson pour elle, quoi. Donc, voilà, je pense que pour moi, c'est la chanson qui me plaît le plus dans l'album. Bien sûr, oui. Lia, tu as une question. Oui. Lia, elle a une question. Lia. Je me demandais comment ça se passe pour choisir une chanson. C'est quoi les critères pour choisir une chanson sur un album? Alors, quand ils nous ont fait écouter les maquettes, il y en avait que j'aimais bien, mais je trouvais que ça allait être soit un peu trop du même style, trop collé, donc ça allait ressembler trop. Donc j'ai dit, après, les gens vont peut-être pas accrocher, vu que j'étais pas connu parce que je me lançais là-dedans. Et puis après, il y en a d'autres que j'ai écouté et j'ai dit, dès les premiers sons de musique, les premières notes, les paroles, j'ai dit, bon, bah, celle-là, elle va cartonner, quoi, elle va plaire aux gens, et c'est ce qui s'est passé avec Fais danser la vida. Ok, un petit peu au feeling, quoi. Voilà, c'est au feeling, c'est... Okay. Ça commence à bouger, à danser, hop, tout de suite. On t'en a présenté combien de chansons au total pour que tu en choisisses quelques-unes? Alors, il y en avait plus que... album. Donc là, on est à 12 sans compter les bonus. Oh, il devait peut-être avoir une... on va dire, elle est entre 17, je pense. D'accord. 17. Il y en avait qui étaient déjà prises, parce que j'étais pas là pour les prendre. Et il y en avait qui étaient pas mal. Hein. Il y avait un titre que Thierry m'avait fait écouter qui s'appelait Le vent de Madère. Et j'aimais très bien. Et j'ai dit, pourquoi en plus Madère, c'est à côté du Portugal et ça aurait été rapproché pour le Portugal, quoi. Et qu'on aurait fait ça moitié français, moitié portugais. Pourquoi pas. Mais bon, ça a été déjà pris. Donc, mais pourquoi pas du même style pour la prochaine fois, quoi. Ok. On verra. Ouais. Et est-ce que ça arrive qu'on choisisse une chanson, qu'on commence à la chanter et qu'en en studio on se dise finalement non, ça va pas la faire avec celle-là? Alors, il y en a eu une que j'ai eu du mal au début à accrocher. Elle m'a plu. J'ai eu du mal au niveau de l'enregistrement, c'est vrai en plus. C'est Éclate la Piñata. D'accord. Il y a un moment, ça a un rythme qui va assez vite. Et j'ai eu du mal au début au studio à la faire, j'ai dit c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Et au fur et à mesure, bon ça va, on y arrivait quand même. Mais sinon non, toutes les autres, ça a été tout de suite, surtout là dans un studio, la première fois être dans un studio à chanter comme ça pour un album, pour son album, quoi. Bon, ça fait plaisir, mais ça va. Ça s'est bien passé. Bien sûr, oui. Michael, pardon, je dis Emmanuel, mais oui. Tu sais, on écoute tellement d'artistes. C'est pas... Non, mais voilà, des fois, on se plante un petit peu. Le prénom, c'est Emmanuel, donc... Ah ouais. Oui, d'accord. Voilà. Je veux dire, est-ce que tu peux nous traduire « Éclate la piñata » Éclate la piñata. La piñata, c'est les bonbons. Non, parce que... Oui. C'est ça, c'est éclater la piñata. Il y a l'IA qui rigole. Non mais ça veut dire quoi la piñata? C'est portugais? La piñata, le mot piñata, non, je crois que c'est... Alors piñata, bonne question, c'est pas du coup, c'est le Mexique ça, espagnol, mexicain? Ouais. Si, c'est si. Des trucs que tu accroches et tu tapes dedans pour les anniversaires, ah, par exemple, et tu as les bonbons, les surprises qui sortent. Ah oui, d'accord, mais moi j'ai déjà vu ça à la télé, oui, dans des... Ah oui, ok, voilà. Non, mais toi, je connaissais pas du tout. Dans les magasins de décoration, de déguisement, il y en a beaucoup. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Je suis sûr. Sous forme de licorne, sous forme d'étoile, il y en a un petit peu plein. Tu peux même les faire toi-même, je les fais. Voilà, c'est ça. Ouais, bon, les bonbons dedans, des surprises, et c'est pour les enfants. Avec un bâton pour les faire éclater, quoi, avec les yeux bandés. Mais je serais curieuse d'écouter cette chanson « Éclate la piñata ». Ouais, bah c'est... Ouais. Alors, je l'ai mal prononcé, Michael, ou non, c'est la piñata. Piñata. Piñata. Piñata. Ouais. D'accord. Ouais, ok. Bon, on va peut-être l'écouter. Eh ben, allons-y. Hein, allons-y, on écoute. Ouais. Éclate la piñata, la plus forte que mon cœur qui bat. Éclate la piñata, oui comme ça. Éclate la piñata, et tout cet amour est pour toi. Éclate la piñata, oui comme ça. Un tipa-tipa de là, tout ce que tu rêvais pour toi. Éclate la piñata, la plus forte que mon cœur qui bat. Éclate la piñata et tout cet amour est pour toi. Éclate la piñata, oui comme ça. Éclate la piñata, la plus fort que mon cœur qui bat. Éclate la piñata, oui comme ça. Éclate la piñata et tout cet amour est pour toi. Éclate la piñata. Voilà, Michael Ferreira, toujours sur nos ondes, hein, il est 17h17, voilà, dans les années bonheur, avec Gilou et Elia. Voilà, Michael. Oui. Ça se passe bien. Oui, ah, ça va. Ça va. Ça donne chaud au cœur, ça. Ça donne chaud au cœur, bah, c'est bien. Elia, tu avais peut-être... Non, je crois, oh bah, j'en ai plein des questions. Plein des questions, Elia. J'en ai plein. Ah, voilà. Alors, tu disais tout à l'heure que tu as enregistré à Paris. Alors, moi, je me demandais comment ça se passe un petit peu pour conjuguer sa vie personnelle, professionnelle et la chanson, parce que pour l'instant, ouais, tu n'en vis pas encore et on te souhaite en tout cas qu'un jour ça arrive. Mais comment ça se passe un petit peu pour un petit peu faire tout ça en même temps? Pour l'instant, j'essaie de gérer, on va dire, ça va, j'arrive à gérer. Je gère entre les congés payés, je pars deux trois jours en studio, ou alors des interviews, et bah, j'essaie de gérer, quoi. D'accord. Ça va. Pour l'instant, j'arrive à gérer. C'est une question d'organisation. Voilà, après, il y arrive un moment où c'est sûr qu'il faudra que je fasse un choix. C'est sûr. Pour l'instant, ça va, j'arrive à gérer. Bon bah, tant mieux. Et ça a pris combien de temps en tout d'enregistrement en studio? Parce que tout à l'heure, je ne sais pas si tu as... Alors, j'ai commencé à enregistrer, donc, on va dire, deux trois titres. Oui. Avant, dans un studio, on va dire, ça a pris une matinée, une après-midi. D'accord. Voilà, donc, une journée. Et après, j'ai pris 2 jours en studio. Dans 2 jours de plus, donc ça pour toutes les autres titres. D'accord. Donc ça fait peut-être une semaine en gros, quoi. Pour enregistrer tout. D'accord. Et j'imagine que ça doit faire quelque chose quand même quand on se retrouve en studio à enregistrer des chansons qui n'ont été chantées par personne d'autre, puisque c'est toi qui les interprètes. C'est un petit peu comme la réalisation d'un rêve, du coup. Voilà, c'est ça, ouais. C'est vrai que quand on avait fini, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on avait fini d'enregistrer toutes les chansons, bah, on les a écoutées forcément parce qu'il n'y avait pas des petits détails à rectifier, tout ça. Mmh. Et entendre sa propre voix, après avoir fini l'album, après tout le travail qu'il y avait dessus, qu'on a fait dessus, les répétitions, plus les cours de chant, les codes vocales, s'entendre comme ça... Son premier album, en plus, c'est vrai que ça m'a fait drôle, quoi. Ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait... Je me dis, c'est pas possible, c'est pas moi. C'est pas moi, quoi. Parce que de quoi faire partir à chat, là, avec un album, avec tout ça, les instruments, tout ça, c'est vrai que ça peut pas être moi. Mais si, c'est bien moi, et j'en suis fier. Et voilà, j'espère que ça va continuer pour les gens, on va dire, pour beaucoup d'années, on va dire. On te souhaite. C'est vrai que je rebondis sur ce que dit Michael. Ça fait drôle quand tu t'entends... Enfin, la première fois comme ça, bon, moi ça m'est arrivé, alors humblement je le dis, hein, j'ai fait 4 petites chansons, et quand je suis sorti du studio, c'est pour ça que je t'en parlais tout à l'heure, Michael, moi j'étais allé enregistrer en Belgique, j'étais loin, hein. Donc chez DVM Productions, studio David Vincent, ouais. Et c'est vrai, quand on est reparti sur la route... J'ai mis le petit CD dans la voiture, ça faisait tout drôle, quoi. Ouais, c'est vrai que ça fait drôle, on dit que c'est pas moi. Oui, c'est sûr. Avec les arrangements, les musiques, les instruments derrière, c'est vrai que ça te dit, mince, ah, oui, oui. Change de... Quand on chante tout seul dans la voiture ou sous la douche, c'est pas pareil. c'est vrai, tout à fait. Moi, je repense depuis le début, je veux dire, bon, les quelques cours de chant, après les répétitions, bien sûr... Et puis on se dit, ben, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va bien se passer? Etc. Voilà, il y a un certain stress quand même. Voilà, c'est une petite pression qu'on se met. Oui, on se dit, oui. On va y arriver, justement. Alors, oui. Et puis quand on a... Dans un studio. Bien sûr. Et puis quand on a le CD dans la main, on s'est dit, ça y est, je l'ai fait. Ça aussi. C'est super, ouais. Autrement, je veux dire, dans tes prestations, Michael, est-ce que tu... Oui. Parce que, bon, ça, on nous le dit assez souvent d'autres artistes, est-ce que tu vas chanter directement ces chansons-là, ou est-ce que tu vas déjà interpréter peut-être des chansons d'autres chanteurs? Tu vois, alors, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Au début, voilà, c'est ce que je faisais. J'interprétais quelques chansons de Tony Carrera. Oui, oui. Voilà. Parce que, bon, j'avais qu'un single. J'avais comme single, mon premier single, c'est Lancer la Vida. Oui, oui. Mais maintenant que j'ai l'album, il y aura un tout petit peu de Tony Carrera encore, de portugais. Un petit peu de communauté portugaise qui vient de me voir. Oui. Et après, ça sera le reste de l'album, quoi. D'accord. Les titres de l'album, voilà. Parce que c'est vrai que pour avoir reçu de nombreux artistes, hein, comme toi, qui avaient un album, deux albums, voilà, je veux dire, c'est vrai que c'est pas évident de faire tout de suite accrocher le public. Ben voilà, c'est ça. Je pense, hein. Bon, ouais, après. Je me suis dit, avec un single, on peut pas, pour chanter une heure et demie avec un seul single, c'est pas évident. Non. Je me suis débrouillé comme je pouvais, donc j'ai dit, ben, je vais chanter les autres chansons de l'artiste Tony Carrera. Et après, bon, ici, maintenant que j'ai l'album, je vais pouvoir mélanger, faire plus mon album, mes chansons et un petit peu moins de Tony Carrera. Oui, bah, bien sûr, ouais. Mais au départ, c'est vrai que ça amène le public un petit peu à... Je dirais, c'est peut-être pas le mot exact, mais à chauffer un peu le public, voilà, enfin amener un petit peu le public, et puis après, après tu places tes compositions, et puis voilà, ça passe tout mais seul. Mais bon, j'ai pas eu de mauvais retours l'année dernière quand j'ai chanté mes deux singles, plus les chansons de Tony Carrera. Au contraire, j'ai eu des gens qui m'ont dit c'est bien, continue, tu chantes bien. Donc, bon, c'est vrai que c'est dur pour accrocher le public, c'est vrai que c'est dur avec des chansons d'autres artistes. Bon voilà, c'est pas nos chansons, c'est les chansons d'autres artistes. Est-ce que les gens vont accrocher? Est-ce qu'ils vont pas dire oh là, il fait du copier-coller? Enfin, c'est vrai que c'est pas évident. Oui, non, mais c'est sûr. Je veux dire, c'est pas facile non plus d'arriver. Et puis bon, là par exemple, là tu as donc on a 14 chansons, hein, sur ton album, puisqu'il y a deux bonus, hein, où tu chantes un peu, enfin tu chantes français puis portugais. Et je veux dire, mais c'est pas évident, donc je veux dire, d'arriver là puis chanter tes chansons, uniquement tes chansons. Des fois ça, voilà, ça peut plaire comme ça peut pas plaire. C'est vrai que bon, il y a des chansons rythmées, tout ça, mais je veux dire, c'est vrai que c'est pas évident. Ça, c'est difficile maintenant, hein, pour accrocher le public et tout. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. Ouais. C'est pas évident. Alors, tu nous as parlé donc de fait danser la vida, hein, ça c'était, c'est ça. Donc ça c'était ton premier single, hein, c'est ça, je me trompe pas? Oui, ouais, mon premier single. Qui est sorti en mai 2018. Mai 2018, voilà. Ouais, ok. Donc, et qui a été vu déjà pas mal de fois. Là on est arrivé à presque 27 000 vues sur YouTube. Ah ouais, d'accord. J'ai été même contacté par France 3, Héros de France, pour une interview. Mmh. Oui. Tellement que ça a fait le buzz sur YouTube, quoi, avec le nombre de vues, parce que ben oui. le jeune coiffeur qui d'un seul coup qui chanteur d'un seul coup et que son premier single monte en grimpe comme une flèche les vues, quoi, avec 20 000 vues, ça, et surtout dans la région du Nord. Donc c'est pour ça que ça a fait un peu le buzz et Sartre est venu m'interviewer chez moi, quoi. D'accord. Et quand tu es dans ton métier, Que tu coiffes, est-ce que tu chantes? Ben pour l'instant, non, quoique là, maintenant, avec l'album, les gens me demandent de chanter. Oui. vous avez l'album, vous allez nous chanter des chansons. Donc, alors, écoutez, entre travailler et chanter, je peux pas faire les deux en même temps. Donc, oui, c'est des hommes, ça. Sinon, écoute, allez, hein. C'est surtout les femmes qui aiment ça. Ouais. Ah oui, bien sûr, oui. Donc oui, bah, tu es coiffeur pour dames et pour hommes, je suppose. Hein, Homme, enfant, tout, voilà, ok. Donc, on va donc écouter cette chanson. Oui, on a fait danser la vida. C'est ça. Just l'oreille des mots qui m'inspirent, des mélodies avec mes doigts. Oh yeah, oh là, donne le groove à l'amour, l'amour qui n'attend pas pour brûler nos corps. Oh yeah, oh là, donne la touche de glamour et là sur la playa encore. Fais lancer la vie, donne la vie, donne la vie, donne. Fais shaker ton cœur là au creux de mes bras. Fais danser la vie, donne la vie, donne la vie, donne. Fais vibrer ton corps comme ça au bout de mes doigts. Olé, olé, olé, j'aime quand c'est chaud comme ça. Olé, olé, va, va, laisse balader tes doigts. Olé, olé, olé, je réponds plus de moi. Olé, olé, mais quoi, qu'est-ce que tu me fais là? Fais danser la vie, donne la vie, donne la vie, donne. Fais shaker ton cœur là au creux de mes bras. Fais danser la vie. Voilà un titre, donc fais danser la vida, ça remue, hein, c'est rythmé, Mickaël. C'est ça, ouais, c'est envie de danser. C'est bien, ça donne envie de danser, ouais. Ça va faire un carton, ça. Hein. Ouais, moi, ça j'ai marche. Le nez pour ça, et... ah. Tu vas voir. Ça avait déjà fait un carton quand on a sorti, quoi, avec le nombre de vues, et c'est vrai que ça a même été jusqu'en Grèce, au centre de vacances en Grèce. L'année dernière, l'été dernier. Et non, ça, les gens ont adoré ce single-là. Ah oui, c'est frais, c'est jeune, t'as envie de danser. Ah bah oui, c'est le son qui passe parfaitement en boîte de nuit. Oui, ouais. Impeccable. Ouais, c'est vrai que... Et puis alors, au niveau, donc, tu travailles avec un photographe, enfin, pour le graphisme de ta pochette, tout ça, c'est quelqu'un aussi que tu connais, je veux dire... C'est un ami que je connais à travers mon ami Manuel Campos, ouais. S'appelle Laurent. C'est lui qui a fait tout le graphisme pour l'album, pour la pochette de l'album, ouais. Quoi, ouais. Les photos, tout ça. Et non, il a fait du bon boulot. Laurent Gaudron, hein, c'est ça. C'est ouais. Ça, Laurent ouais. Gaudron. Ouais, Laurent Gaudron, ouais. Et puis même, je dirais, sur la... Si je peux m'exprimer ainsi, sur la rondelle du CD, c'est... C'est beau, ouais. Aussi, hein, ça change d'avoir un CD comme ça, une photo, parce que d'habitude c'est un CD tout argenté, brillant, mais là, c'est pas mal. Non mais c'est bien, ouais, c'est vrai. Et est-ce que je dis, alors moi je dis souvent, on se répète, hein, des fois en radio, ce que je dis, c'est bien d'avoir le CD. Je sais pas ce que t'en penses, parce que bon, toi tu es jeune, hein, d'accord. Et... Bah, je dis, quand on aime bien un artiste, on aime bien avoir le CD. Parce que justement, on parlait photo, là, tu vois, etc. Bah, je dis, c'est bien. Alors, les téléchargements sur les sites légaux, tout ça, bon, bah, c'est, maintenant, ça se fait beaucoup, hein, forcément. Ouais. Hein, mais. Enfin. Mais voilà, on a la musique, c'est sympa. Hein, on met ça dans son portable, etc. Mais je veux dire, c'est quand même bien d'avoir le CD, quoi. Je veux dire, on a la photo de l'artiste. Ils ont les CD, ils ont les informations, ils ont les paroles des chansons. Les paroles des chansons, etc. Ça, c'est pas mal. Je trouve que... Enfin, moi, je sais pas ce que t'en penses, hein, comme tu es... C'est vrai que ça se perd, c'est malheureux, parce que ça se perd, les albums, ça se perd. Il y a une dame qui a voulu me prendre un album, bon, elle m'a pris l'album, oui. Mais elle m'a dit, je serais obligé de le mettre en fichier sur une clé USB, parce que dans sa voiture, il n'y avait plus de lecteur CD. Ah, voilà, maintenant, c'est ça le... Donc, voilà. Maintenant, c'est vrai que par Bluetooth ou par USB. Alors donc, elle a dit, bon, je le prends quand même pour l'écouter chez moi. Mais elle dit, il arrivera un jour où ce que malheureusement, on ne pourra plus. Oui. C'est vrai que dans les voitures, t'as plus de lecteur CD. Enfin, dans les voitures récentes, t'as plus de lecteur CD. C'est la clé USB. Ouais. Alors, je vais te livrer une petite anecdote. Enfin, c'est pas une anecdote, mais tu sais, maintenant, il y a des artistes qui font leurs albums sur des clés USB. Okay. Oui, c'est... Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Si, j'en ai entendu déjà quelqu'un parler. Je l'ai vu comme ça sur Facebook, il avait fait tout son album sur une clé USB en bois. Et ouais. Ça devait être pas mal. C'est vrai que maintenant, bon après c'est pareil, c'est pour une clé. Et tout le monde n'a pas non plus des ordinateurs portables ou des oui. radios comme ça, c'est ça aussi. Donc, Oui, bien sûr, il faut un petit peu jongler sur les deux. C'est pas évident. Hein, ouais. Non, c'est sûr bon. Que c'est pas évident. Parce que... Bon, voilà, c'est la technologie, enfin, technique maintenant moderne à tout. On est obligé de se mettre à la page, quoi. Ouais, on est obligé de se mettre à la page. Et alors qu'il y a des choses qui reviennent, hein, je vais parler vite fait du vinyle, par exemple. Voilà, c'est ça. Oui, ça revient maintenant, je dirais, pratiquement beaucoup d'artistes qui ressortent un nouvel album ressortent le vinyle avec en même temps. Vinyle, hein voilà. Hein, ça. Il a fait un vinyle, ça. Ça revient aussi. Oui, comme quoi. Hein, c'était bien aussi cette époque-là. Bon, après, bon, voilà, il faut vivre avec son temps, hein, bien sûr. Voilà. Moi, je sais que j'aime bien avoir les deux, tu vois, être mon côté. Être dans l'air du temps. Et puis avoir ce petit côté aussi rétro, tu vois. Bon, bah, alors moi, après, je suis. Comme je dis toujours, je suis d'un âge. Avancé. Ça revient tout ce qui est rétro, tout ce qui est ancien. Ah oui, ça revient, hein, ça revient beaucoup. Oui, on parle beaucoup de vintage. Les vêtements, avec les coiffures. Voilà, les vêtements, tout ça, même le mobilier. Hein. Ils font des salons maintenant vintage ou tout ça revient, hein, ça revient. J'ai même lu il y a pas très longtemps, pas plus tard que hier, sur un magazine d'une maison que je ne citerai pas, puisqu'on n'a pas le droit de citer deux marques. Donc même que les cassettes, tu sais les cassettes. Je sais pas si t'as connu ça ou t'étais plus jeune et les cassettes reviennent tout doucement. Voilà, ça revient. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Lia, elle me dit c'est pas vrai. Je te montrerai Lia, tu verras. C'est génial les cassettes. Ah, les cassettes, c'est génial. Ouais. Non mais ça revient. Fallait retourner la cassette pour avoir la ouais, suite. Ouais. C'était donc ça revient. Bon, ça revient bien sûr de beaucoup enfin, pas mal des États-Unis et beaucoup en Angleterre aussi. Ah bon? Ah ouais, ouais. Ah, ouais. Si, c'est vrai. Et voilà. Il faudra peut-être un jour changer de support, Michael. Une cassette, bon, j'ai plus qu'à contacter Thierry. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'on écoute une dernière chanson, Michael? Ouais, on a le temps et puis après on se dit au revoir. Ok. On fait comme ça. On va écouter Sec du soleil. Ok. T'attends l'été. Essayez ton maillot, où l'air est plus léger et les chagrins moins gros. T'attends l'été, le réveil des beaux jours, envie d'en profiter, la saison de l'amour. C'est que soleil. T'attends l'été, cet ange qui viendra de l'amour te donner au bout de la playa. T'attends l'été, les vagues de bonheur qui te feront danser au rythme de ton cœur. C'est que soleil. Soleil pour faire la fête, trouver plus belle ta vie demain. C'est C'est que du soleil, voilà. Ça portait un petit peu de soleil sur nos ondes, Michael. Voilà, je vous ai donné un petit peu de soleil du Portugal. Du Portugal, voilà. C'est... Et puis tout avec toutes ces chansons, il y a des belles chansons rythmées, tout ça. Ça apportait du soleil. Voilà, donc voilà, l'émission... Ouais, l'émission touche à sa fin. Alors, Michael, je voulais te remercier. Hein, Merci à toi, Gilles. Merci à Lydia aussi. Ça et un coucou à Lille. D'accord, ouais. Et puis voilà, d'avoir été présent sur nos ondes. Enfin, on y est arrivé, hein, Michael. On y est arrivé quand même. C'est bien. Voilà. Je pense que Thierry sera content aussi, bien sûr. Ouais. Hein, voilà. Donc, bah, écoute, moi, je te souhaite bonne chance. Je te souhaite un beau succès pour ce bel album. Merci, mais j'espère. Hein, et puis, de toute façon, bah, on reste au courant. Hein, il n'y a pas de souci. Dès que tu as des nouvelles actualités, n'hésite pas. Hein. Ça sera avec plaisir. Ça, c'est gentil. Voilà, Michael, merci beaucoup. Merci à toi, Gilles, merci à Olivia, merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés, et puis à très très bientôt. Ok, le message est passé. À bientôt, Michael. Au revoir. À bientôt, Gilles, merci, au revoir. Voilà, amis auditeurs, auditrices, l'émission se termine. J'espère que cela vous a plu. On retrouve bien sûr l'IA à 18h. Oui. Hein, c'est une émission consacrée au harcèlement scolaire. À la lutte contre le harcèlement scolaire. Oui, la lutte contre. Voilà. Avec le slammer Cosmos qui champ de bataille, victime lui-même. Il a sorti un EP justement dédié à cette lutte contre le harcèlement scolaire. J'avais suivi son histoire à Cosmos. Ouais, ouais, ouais. Et puis on retrouve notre ami. Son histoire, son. Son vécu. Son vécu, voilà. Voilà. Ouais, ouais. Et puis donc on retrouve aussi Lou. Ouais, okay. Lou et puis Catherine de l'association Marcellement qui donne plein de conseils, notamment aux parents pour savoir comment réagir face à ce fléau. Hein, parce qu'il faut appeler, un chat à un chat. Et bien puis sûr, voilà, aujourd'hui il ne faut pas oublier que c'est la journée. Oui, c'est vrai, oui, voilà. Tout à fait. Ouais. On en a parlé beaucoup, nationale. J'ai entendu beaucoup sur les radios, on a entendu parler beaucoup. Oui. Je me souviens, j'avais lu un livre de la petite Marion. La petite Marion là qui était c'était vraiment prenant, hein, c'était vraiment triste et bon après ce qui m'avait dans ce livre, enfin ce que j'avais lu, ce qui m'avait interrogé, c'est je me disais mais que font l'éducation, enfin les personnes de l'éducation. Ben justement, on va en parler. Okay. On va en parler. Comment réagir face à ce harcèlement scolaire. Et puis il existe un numéro, c'est le 116-006. Hein, c'est France Victimes. Et puis après, on n'a plus qu'à taper le numéro de notre département pour avoir des conseils et un soutien psychologique. Et puis Marcellement, www.marcellement.org. Vous retrouverez toutes les informations sur la page Facebook de Radio Guémozo. Voilà, ok. Très bien, Lydia, merci. Bonne émission. Merci beaucoup. Et merci à toi encore d'avoir été présente. Avec plaisir. Et puis donc, je dis bye-bye à tout le monde et à bientôt. À très bientôt, Gilles. Chanson dans le cœur, une mélodie en accord majeur, un rythme qui sonne, des mots qui résonnent, un refrain que l'on fredonne. C'est la musique qui nous rassemble, qui nous fait chanter, danser ensemble. Un air de guitare, un piano dans un bar, un musicien qui joue dans le noir. Chantez pour tous ceux qui s'aiment, chantez pour les cœurs qui saignent, chantez les joies et les peines, chantez à en perdre haleine, dansez avec ceux qu'on aime, dansez pour les soirs de fête, dansez à chaque seconde, dansez jusqu'au chanson dans le cœur, un air qui nous met de bonne humeur. Quel que soit le style, un CD, un vinyle, on peut l'écouter pendant des heures. Un chanteur de bal, un salon.